La princesse Yasoda. De Le Comte de Lisle. La destinée des hommes et des femmes est dure. Quelle est dure la destinée des hommes et des femmes? Cela est-il à jamais? Il y a des sages qui disent non. Jayadeva. Cet épisode est emprunté à Jayadeva, le lyrique. Il symbolise, sous la forme flottante des poésies sanskrites, la défaite momentanée du bien par le mal et son triomphe à venir. Le saint roi Satyavrata, fils du magnifique Surya aux 7 chevaux verts, régnait vers la fin de la dernière kalpa sur les montagnes et les plaines du Lastijambo, le plus vaste des empires que soutint la carapace éternelle. C'était un vieux roi d'une vertu lumineuse. Sa sagesse était profonde. Il remplissait avec une telle exactitude les devoirs sacrés de la loi que Eri, le conservateur de l'univers, l'avait revêtu du titre de Sradeva, le dieu des obsèques. Rien n'était doux et rassurant pour le cœur des sages comme le regard bienveillant qui s'écoulait de ses grands yeux. Mais la race perverse contemplait en frémissant la ligne droite de son nez auguste, signe infaillible de l'inflexibilité de sa justice. Or, le saint roi de Satyavrata se rendit un soir vers la 90e année de sa vie, sur les bords de la rivière Kritamala, pour y faire ses ablutions accoutumées. Après s'être frotté les dents avec une branche de figuier, il dit « Soma, seigneur des bois, roi des herbes, accorde-moi de longs jours, la force et la gloire, de grandes richesses, une postérité nombreuse, la vertu et l'intelligence. » Cela dit, il jeta la branche de figuier et se plongea dans la rivière en récitant la Gayatri. Ô divine, donne-moi le bonheur et la vue éclatante du Dieu suprême. Ô sainte, fais-moi partager ton essence. Ô éternel, tu contiens la félicité sans borne. Puis le pieux roi but une gorgée d'eau sans l'avaler, priant tout bas. Roi du sacrifice, ton cœur est au milieu du large océan. Puissent les eaux salutaires le pénétrer. Alors il toucha avec des mains humides ses pieds, sa tête, sa poitrine, ses yeux, ses oreilles, ses épaules et son nez. Ainsi le veut la loi. Il éternua, versa des larmes et secoua 8 fois ses mains pleines d'eau vers les 8 points du monde. En ce moment, une voix grêle sortit de la rivière Kritamala. Elle lui dit « Ô roi Satyavrata, fils de Surya aux 7 chevaux verts qui protègent les opprimés, retire-moi de cette rivière où les monstres voraces me dévoreraient. » Le roi, saisi de compassion, répondit « Par la sainteté des Védas, je le veux. »« Baisse-toi, dit la voix, et remplis d'eau le creux de ta main. » Ainsi fit Satyavrata, qui aperçut un petit poisson dans l'eau qu'il avait recueilli. Il le déposa dans une coupe pleine et l'emporta dans son palais. Mais dans la nuit, le petit poisson avait grossi de telle sorte que la coupe ne pouvait plus le contenir. Satyavrata le renferma successivement dans une citerne, dans un étang, dans un lac de 100 lieues d'étendue et enfin dans l'immensité de l'océan. À peine cela fut-il arrivé qu'un bruit terrible éclata sur les eaux et que le démon Yayagriva, déployant ses 10 ailes noires et rouges, s'éleva en spirale dans le ciel, insultant de rire moqueur le saint roi qui l'avait délivré. Le démon Yayagriva avait autrefois profité du sommeil de Brahma pour dérober les Védas qui coulaient de ses lèvres, et Brahma, s'étant réveillé à temps, l'avait condamné à subir les épreuves que la bonté d'âme du pieux roi avait abrégées. mal en prit au roi Satyavrata d'avoir délivré Yayagriva. Quelles sont belles et rafraîchissantes au matin les vallées du Lastijambo. Que les lueurs rapides du jour qui naît illuminent splendidement les nuées bleuâtres qui dorment au sommet des montagnes Jugando, Mienmo et Zetchiavala, dont la terre est entourée. Les géninates volent et se jouent sur les cimes neigeuses du Jugando. Le Mienmo est la demeure des génies Tavatesina. Le Zetchiavala recèle dans ses gorges noires les génies Tama. Que l'arôme des vallées est doux. Il monte comme un nuage d'encens jusqu'aux pointes des montagnes. Que les montagnes sont grandes. Elles baignent leurs pieds larges dans les eaux profondes de la rivière Kritamala. Que la rivière Kritamala est limpide. Les lataniers au vert parasol croissent sur ses bords. La fille bien-aimée du saint roi Satyavrata, Yasoda, la rose du Lastijambo, la perle du monde, se plaisait à jouer matin et soir dans les vallées natales avec ses jeunes compagnes. Yasoda était vierge. Elle avait le nez délicat, mais pointu comme la flèche du désir. Ses dents étaient noircies par le bétel. Ses ongles étaient teints de henné rose. Ses cheveux étaient noirs et longs. Qu'ils étaient noirs et longs, les cheveux de la princesse Yasoda. Ses petites lèvres bienveillantes avaient un sourire pareil aux premières clartés du ciel. Ses pieds étaient nus comme son cœur, mais ils étaient blancs comme la neige du Jugando. Son genou était une boule d'ivoire. Son sein soupirait aussi doucement que la colombe dans les rameaux du Jugando. Qu'il soupirait doucement le sein de la princesse Yasoda. Elle était la rose du Lastijambo, la perle du monde. Or, le jeune Tamaya, neveu du roi Satyavrata, aimait la fille du frère de son père. Elle l'aimait aussi. Mais il était rebelle à l'autorité du souverain du Lastijambo, car l'orgueil brûlait son cœur. Le jeune guerrier était comme un tigre rayé du Zetchiavala. Nul n'égalait sa force et son agilité. C'est pourquoi il blâmait sans cesse son oncle pieux et pacifique qu'il avait banni de sa présence. Tamaya était partie, mais la Vierge royale avait gardé son cœur. Un soir, elle se promenait pensive avec ses compagnes. Le soleil rougissait l'écume des grandes eaux et baignait de pourpre la neige des montagnes. Il y avait une année que Tamaya s'était éloignée de Lastijambo. Au souvenir du jeune guerrier, des larmes argentaient les cils de Yasoda. Ses compagnes les essuyaient de leurs lèvres, mais elle pleurait toujours. Bientôt elle dit « Tamaya, Tamaya !» Mais il ne répondait pas, étant loin. Une compagne de Yasoda, voulant flatter sa douleur, parla ainsi. Tamaya était comme un tigre rayé, sa force étant grande. Quand sa lance de bambou tremblait dans sa main, les hommes étaient pâles. Une autre compagne de Yasoda dit « Tamaya était beau comme le soleil, mais la flamme de ses yeux brûlait doucement le cœur des vierges. Quand il les regardait, elle rougissait comme la neige au lever du jour. » Une troisième reprit « Tamaya était léger et ses jarrets ne se lassaient point. Quand il poursuivait la gazelle et l'antilope dans les bois, son pied pressait leurs pieds et son souffle échauffait leurs croupes. Alors la princesse Yasoda s'écria en pleurant « Tamaya, Tamaya !» Si bien que le démon Yayagriva l'entendit de la cime blanche du Jugando. Il regarda au fond de la vallée et vit Yasoda et ses compagnes qui pleuraient. Or, le naturel du démon était méchant. C'est pourquoi il lui vint en tête de causer une grande douleur au saint roi en lui enlevant sa fille bien-aimée. Mais il fallait qu'elle le suivît de bonne volonté, car il lui était impossible de l'entraîner contre son gré. Il déploya donc ses 10 ailes au vent et descendit dans la vallée en formant de grands cercles dans l'air. Pendant que Yasoda courait un tel danger, que faisaient le pieux roi et le jeune guerrier? Le pieux roi se frottait les dents avec une branche de figuier, et le jeune guerrier chassait le tigre dans les gorges du Zetiavala. Le démon Nath, le grand Yayagriva, descendait toujours en spirale, réfléchissant aux moyens de ne pas effrayer la rose du Lastijambo, car les génies Nath ne peuvent changer de forme et ils sont très effrayants au premier aspect. Quand il se trouva à une centaine de pieds de la vallée, Yayagriva fut obligé de remonter en l'air, car il n'avait pas encore trouvé le moyen qu'il cherchait. La princesse Yasoda et ses compagnes entendirent en ce moment le bruit que faisaient au-dessus de leur tête les 10 ailes du démon, et levant les yeux, elles le virent. Leur épouvante fut grande, car il était fort laid. Son corps, sa tête et ses membres avaient des proportions énormes. Son corps était comme une pagode, sa tête était comme un dôme rouge. Ses membres étaient comme des troncs noueux. Les vierges poussèrent un même cri et voulurent s'enfuir. Mais le démon, pressé par la nécessité, leur dit en adoucissant sa voix « Tamaya, le jeune guerrier, m'envoie vers la perle du monde. » Yasoda suspendit sa course et dit « Ô génie, est-il vrai ?»« Telle est la vérité. Le jeune tigre veut que la belle vierge du Lastijambo vienne le consoler, ou il mourra de douleur, car le pieux roi lui défend de revenir. Où est-il? Il se lamente dans ma demeure, à la cime du Jugando. Je suis le serviteur de Tamaya. Si la perle du monde aime le jeune guerrier, elle se confiera à moi, et dans une heure je la rapporterai au palais du saint roi. Je le veux, dit la vierge royale. L'amour est plein de courage. L'amour est comme la flèche repoussée par la corde tendue. Il vole et se brise, mais il ne s'arrête pas de lui-même. L'amour n'a qu'un regard, il ne voit qu'une chose. Cette chose qu'il voit emplit le monde. Alors, malgré les lamentations de ses compagnes, Yasoda s'assit sur une des ailes du démon Yayagriva, lequel tourbillonna dans la brume du soir et disparut. Ce fut ainsi que le démon se vengea du pieux roi qui l'avait délivré. Or, le pieux roi, au moment où sa fille bien-aimée était enlevée, récitait les gayatries et se mouillait le nez et les oreilles en l'honneur de Heri, le conservateur de l'univers. La piété confond la pensée et le cœur dans l'abîme de ce qui est, un et par soi-même. La piété plonge les justes dans l'essence une et première. Leurs yeux se ferment alors pour les manifestations visibles et passagères. Leurs oreilles n'entendent plus rien des bruits sensuels. Que verraient en effet les justes? Qu'entendraient-ils? L'abîme de ce qui est, un et par soi-même, est noir, inouï. Telle est la doctrine des justes. Elle est consolante. Cependant, la princesse Yasoda, assise sur l'aile du démon Yayagriva, montait dans les ombres croissantes de la nuit. Déjà les dernières ondulations de la montagne étaient franchies, et le démon s'élançait d'un vol direct vers les sommets glacés où il vivait d'habitude. La Vierge royale lui dit alors « Ô génie, la neige tombe sur le Jugando, il fait bien froid. »« Ah ah !» fit le démon en riant, « ceux qui aiment ont-ils jamais froid ?»« Pourquoi ris-tu de mon mal, ami de Tamaya ?»« Tu vas le savoir, fille du Saint-Roi. » Se disant, ils atteignirent les rochers où pleuvent les neiges éternelles. Là, le démon s'était bâti une caverne de glace. Il déposa la belle Yasoda dans la caverne, et soufflant autour d'elle une haleine tiède pour l'empêcher de mourir, il lui dit « Yasoda, fille de Satyavrata, perle du monde, tu ne reverras jamais ni ton père ni ton amant. » À ces mots, la Vierge poussa un grand cri et s'évanouit. Le démon la rendit à la vie et reprit. Tu seras la femme du démon Yayagriva qui règne sur les neiges du Jugando. À ces paroles, la Vierge poussa un second cri et s'évanouit de nouveau. Mais le démon la ranima encore et l'enfermant dans la caverne, il s'envola dans l'air noir à travers les flots de la neige qui tombaient de toutes parts dans la solitude. La destinée des hommes et des femmes est dure. Quelle est dure la destinée des hommes et des femmes? En sera-t-il toujours ainsi? Il y a des sages qui disent non. Et qui peut lire dans le cœur de Brahma? Ce sont ceux qui se confondent avec l'essence de ce qui est. Donc, pendant ce temps, Tamaya, le jeune guerrier, chassait le tigre dans les gorges du Zetchavala. Il était triste et se reprochait son orgueil et sa rébellion envers le saint roi. Car, pensait-il, peut-être ne reverrai-je plus la rose du Lastijombo. À cette pensée, un grand désespoir lui brisa le cœur. Il prit la résolution de retourner auprès de Satyavrata et d'implorer son pardon. Il brisa ses flèches, sa lance de bambou et son sabre, afin de toucher le cœur du saint roi par son aspect pacifique. Ainsi privé de ses armes, il descendit les gorges de la montagne où erraient les tigres rayés, tueurs d'éléphants. Le cœur des braves est comme le diamant, dur et splendide. Le cœur des braves est inébranlable, comme la carapace qui soutient le monde. Le jeune guerrier avait un cœur de brave. Or, le soleil s'était plongé trois fois dans les grandes eaux depuis qu'il marchait sans armes dans la montagne, quand il arriva sur le bord d'un abîme profond. Ce gouffre s'étendait aussi loin que le regard pouvait porter. Tamaya chercha un sentier, mais vainement. Comme il hésitait et songeait à retourner en arrière, une voix suppliante cria du fond de l'abîme « Tamaya ! Tamaya !» Le jeune guerrier se pencha en avant et vit un beau génie, ami des hommes, lié par des lianes noueuses à un énorme rocher. Alors il demanda « Ô génie, ami des hommes, pourquoi es-tu ainsi lié? Que me veux-tu ?» Le génie Djama lui répondit « Les cruelles nattes qui habitent les neiges du Jugando m'ont lié grâce au sommeil qui m'a surpris. Si j'eusse été éveillé, cela ne serait point arrivé, car ma force eût été bien supérieure à la leur. Mais il est dit qu'un génie Djama, lié pendant son sommeil par les génies nattes, ne pourra briser ses liens ni punir ses ennemis qu'à l'aide d'un homme brave et généreux. Cela est juste. Le sommeil est une faute. Pendant le sommeil, nous ne pouvons veiller sur la race humaine que nous aimons. » Tamaya, saisi de compassion, chercha de nouveau un sentier pour aller au fond de l'abîme où le génie était lié. Mais les parois en étaient verticales et pas une seule liane n'y serpentait. Voyant cela et entendant le Djama se lamenter, il s'élança courageusement dans le gouffre. Mais aussitôt, comme il roulait encore dans le vide, le génie Djama, rejetant ses liens factices, vola au-devant de lui et l'emporta sur l'autre bord où il le déposa sur la mousse. Alors il lui dit « Ceux qui prétendent que ton cœur est dur comme le diamant ne mentent pas, mais il est généreux et tendre comme celui d'une vierge. Mon nom est Atulijama. J'aime les braves et les bons. Va, retourne auprès du saint roi. Si bientôt tu as besoin de mon aide, crie trois fois mon nom. Adieu. » Le jeune guerrier, poursuivant sa route, entra, au bout de trois jours de marche, dans le palais de Satyavrata. Ce palais retentissait de lamentations. À peine le pieux roi eut-il aperçu Tamaya, que son œil jeta des flammes et qu'il s'écria en étendant vers le jeune homme le pouce ouvert de sa main droite fermée « Enfant des dix péchés maudits, les noirs d'Udzaraïk, fils de Diti, foudroyé par Siva, que n'es-tu venu au monde dans le temps où le cruel Kansa proscrivit tous les mâles nouveau-nés? Puisse le magnifique Surya aux sept chevaux verts ne plus resplendir bientôt pour toi. Puisse la farouche Devi t'effacer du nombre des vivants. Quelle est ton audace, ô ravisseur de ma félicité, d'insulter à ma douleur paternelle? Dans quel lieu as-tu caché la perle du monde, ma chère Yasoda? » Ainsi parlait le saint Satyavrata dans sa colère douloureuse. Tamaya resta muet, ne sachant point l'enlèvement de sa bien-aimée Yasoda. Il lui fut expliqué qu'un géninath du Jugando, se disant son ami, avait emporté la rose du Lastijombo. La fureur du jeune tigre fut grande. Quelle fut grande sa fureur! Il poussa un cri de rage qui entra dans le cœur de ceux qui l'entendaient comme le fer d'une lance guerrière. Le poil de sa face se hérissa. Ses yeux devinrent rouges comme des charbons ardents. Qu'ils devinrent rouges, ses yeux! Il fit un bond en arrière, sa lèvre saignante se retroussa et ses dents blanches brillèrent. Puis il poussa un second cri et se précipita au dehors, vers la montagne Jugando, couronnée de neige. Tout un jour, il courut ainsi. Vers le soir, haletant, épuisé, il se laissa choir sur la mousse et cria trois fois « À tous les Djamas !» Le beau génie, ami des hommes, apparut aussitôt dans le ciel et descendit auprès du jeune guerrier. « À tous les Djamas !» dit ce dernier, « un démon nat, qu'il soit maudit, a enlevé la perle du monde, Yasoda. Quel est son nom? Où est située sa caverne ?»« C'est le démon Yayagriva qui vole là-bas sur les neiges éternelles. Il retient la belle Yasoda dans sa caverne de glace. Enlève-moi sur tes ailes, beau génie. Porte-moi au repère du démon ravisseur, que je le punisse et délivre la rose du Lastijombo. » Qu'as-tu dit, insensé? Tu ne peux combattre un génie? Écoute plutôt. Les nattes sont maudits. Les Djamas sont chers à Brahma. Tu es brave et généreux, et je t'aime. Je combattrai le démon nat. Si je triomphe, tu recouvreras la Vierge royale et nous serons heureux. Si je suis vaincu, vous périrez tous deux. Telle est la loi. » Le jeune guerrier dit alors « Je le veux ». Le Djama le prit sur ses ailes et tous deux disparurent dans les nues. Or, la belle Yasoda gémissait dans la caverne de glace du démon Yayagriva. Cette caverne était transparente au-dedans, mais opaque au dehors, de sorte que la Vierge royale voyait, le matin et le soir, le grand corps de Brahma aux mille formes, aux mille couleurs, les montagnes, les vallées et le large océan resplendir autour d'elle. Mais elle était prisonnière dans la caverne, et les routes de la vie s'étaient refermées devant ses pas. La belle Yasoda était comme la perruche blanche prise dans un réseau. Ses larmes ruisselaient sur ses belles joues. Elles inondaient son jeune sein. Ses gémissements s'exhalaient et mouraient étouffés par les parois glacées de la caverne. La rose du Lastijombo se fanait, dérobée au regard de Surya aux sept chevaux verts, son aïeul. La perle du monde gisait enfouie dans la neige du Jugando. La fiancée de Tamaya, le jeune guerrier, était la proie du démon nat aux dix ailes rouges et noires. Les vierges sont faibles et gracieuses comme la liane rose des montagnes. Les vierges sont timides comme la gazelle aux yeux bleus des bois. Mais le cœur des vierges est fidèle. Le démon Yayagriva voulait que la rose du Lastijombo devint sa femme, mais Yasoda gardait le souvenir du jeune guerrier. Le nat était plein de colère. Voici qu'au matin du sixième jour, dans le temps que Yayagriva et Yasoda étaient renfermés dans la caverne, un grand bruit retentit au loin, et la demeure glacée du démon nat fut emportée par un souffle impétueux. Alors il vit dans l'air le beau génie Atulijama, ami des hommes, qui portait Tamaya, le jeune guerrier, sur une de ses ailes. Le nat poussa un rugissement sauvage qui s'engouffra dans les gorges du Zetchiavala. Mais le Djama lui dit « Yayagriva, nat maudit aux dix ailes rouges et noires qui habitent les neiges éternelles, démon ingrat en horreur aux esprits justes, écoute. Tu as enlevé Yasoda, la fille du pieux roi Satyavrata qui t'a délivré des eaux. Rends la rose du Lastijombo à son père et à son fiancé. Sinon je briserai tes ailes et je t'enfermerai à 1000 pieds sous la neige pour une kalpa, 1000 années. » Le démon nat répondit « Atulijama, vil esclave, je ne rendrai pas la perle du monde, sois maudit. Prépare-toi donc au combat, démon, car l'heure du châtiment est venue. La belle Yasoda sera le prix du vainqueur. Déposons-la sur le sommet de la montagne avec son fiancé. Qu'ils contemplent tous deux la lutte des génies. » « Je le veux, » dit Yayagriva. La Vierge royale et le jeune guerrier furent placés côte à côte sur la cime neigeuse, et tandis qu'ils s'embrassaient dans leur joie, voici que les deux génies s'élevèrent dans le ciel pour combattre. Atulijama, le beau génie, recula jusqu'au pic bleuâtre du Zetchiavala, mais le nat resta au-dessus du Jugando. Alors ils volèrent l'un contre l'autre comme deux flèches rapides. L'air sifflait et les nuages écumaient derrière eux. Ils se rencontrèrent, les ailes dressées pour le combat. Il y eut un grand choc. Le Nat poussa un cri de douleur et se déroula dans le ciel avec une aile brisée. Le Djama, ami des hommes, retourna au pic du Zetchavala et le combat continua. 9 fois encore, ils se rencontrèrent et 8 fois, Yayagriva fut renversé dans l'air avec une aile brisée. De ces 10, il ne lui en restait qu'une. Or, ne pouvant plus combattre, car le vent le poussait à gauche et à droite, il se laissa tomber dans l'espace au-dessus des jeunes fiancées qui applaudissaient à la victoire du beau génie. D'un revers de son aile dernière, il les précipita dans les abîmes du Jugando. Atulijama descendit sur lui comme l'éclair de Jiva. Les neiges s'entr'ouvrirent et le Nat Yayagriva fut enseveli pour 1000 années. Puis le beau génie vola à la recherche de la belle Yasoda et du jeune guerrier. Il roulait encore dans le vide, les bras enlacés, quand il les atteignit et les transporta dans la vallée du Lasti Jambo. Mais la Vierge royale était morte. Le démon Nat l'avait tuée d'un coup d'aile. Tamaya, le jeune guerrier, devint comme la neige, pâle et froid. Il dit « Je veux mourir comme la perle du monde, ma chère Yasoda. » Et il mourut. Le pieux roi Satyavrata arriva sur un éléphant blanc. Il vit la rose du Lasti Jambo flétrie et il poussa un soupir et rentra dans le sein de Brahma. Mais Atulijama, le beau génie, dit en déployant ses belles et fortes ailes dans le ciel, « Un jour ils seront heureux. Rien ne meurt, car Brahma contient tout, et Brahma est vivant. Les destinées sont noires, elles seront brillantes. L'amour environne les 7 mondes, demeure de toutes choses. » Et cela fut écrit par Jayadeva, le lyrique, 573 millions d'années après que l'énergie mâle eut fécondé l'énergie femelle de ce qui est, dans le temps de Bouddha Muni, célébré par le lyrique dans son hymne à Narayana, sous le règne de Rama Parasu Rama, 37e descendant de Satyavrata, qui donna le jour à la rose du Lasti Jambo, la belle Yasoda.